Tout de suite, sur France Culture, du lundi au jeudi, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD passe à l'heure d'été. En canoë, en pédalo ou seul au boulot, en randonnée dans une chaise longue à la pêche à pied, en escalade, pour la plage, tranquille dans la ville ou perdu dans la foule, 53 minutes de rediffusion choisies dans la série documentaire. Cette semaine, à l'ombre des centrales nucléaires, une série de Lydia Benitzrak réalisée par Christine Diger. Au départ de cette série, il y a de vieux mensonges, des histoires de nuages aux trajectoires stupéfiantes et des catastrophes meurtrières. Il y a des sols, des fruits, des animaux, des humains et des champignons contaminés. Il y a des mots qui font froid dans le dos, uranium, radium, césium. Et ces questions, comment vivre avec la menace et croire les promesses que l'on sait intenables? Et cette idée que le plus dur parfois, c'est de reconnaître que l'on a fait le mauvais choix. Mais alors, comment cohabiter avec les gros réacteurs et la menace qu'ils contiennent? Alors pour commencer, les personnages. Un Alsacien qui vit à côté d'une centrale, un homme vigilant, des responsables qui minimisent, des habitants prévoyants, une patrouille, des collègues qui sont morts, un travailleur du nucléaire, un couple de la Hague, une syndicaliste et des sous-traitants en cascade. Ensuite, le décor. Un compteur Gégère, des pastilles d'iode, des sirènes sur le toit de la mairie, des digues, la mer au loin et la forêt noire, des centrales comme des forteresses, le secret, la peur, le risque, la peur, la pluie contaminée, la peur. Aujourd'hui, deuxième épisode, il semble qu'il y ait un problème. Le plus inquiétant ce soir reste le nuage de particules radioactives. On le sait, il s'est déplacé tout d'abord vers la Scandinavie, puis est en train de descendre vers le sud. Alors, comment peut-on prévoir son déplacement? Les explications de Brigitte Simonetta. Il faut bien faire la différence entre le possible et le réel. D'abord, les certitudes. Lors de l'accident, un anticyclone se trouvait sur l'Union soviétique. Autour des hautes pressions, on sait que les vents s'enroulent dans le sens des aiguilles d'une montre. Les particules radioactives sont alors dans un premier temps remontées sur la Pologne, puis elles ont continué leur chemin et atteint en 48 heures les pays scandinaves. Depuis lundi, la situation n'a pas changé. Ces particules sont donc de plus en plus nombreuses à atterrir sur la Suède. Maintenant, les prévisions. Une dépression a pris place sur la Sardaigne. Là, les vents tournent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Si l'émission radioactive persistait, tout laisse à penser que cette poussière, aspirée depuis l'Ukraine, serait renvoyée vers l'Italie, la Yougoslavie et l'Autriche. En France, l'anticyclone des Açores s'est développé. La météo affirme qu'il restera jusqu'à vendredi prochain suffisamment puissant pour offrir une véritable barrière de protection. Il bloque en effet toutes les perturbations venant de l'Est. Mais attention, ces prévisions sont établies pour 3 jours. Reste à savoir combien de temps il faudra encore pour éteindre l'incendie. Vivre et travailler à l'ombre d'un réacteur nucléaire. Chez nous, en Alsace, on nous avait dit que le nuage était arrêté à la frontière de Kehl. C'est juste une petite ville à côté de Strasbourg. Gabriel Weisser. Les gens y ont cru. En plus, en Alsace, ce qui était particulier par rapport au reste de la France, c'est que nous, on a accès à la télévision allemande. Donc les Alsaciens, ils voyaient les mesures sanitaires qui avaient été prises, donc interdiction absolue de consommer les produits de surface. Et de l'autre côté, en France, tout était béni des dieux, naturellement, parce que tout va bien au royaume des centrales nucléaires, madame la marquise. Donc on pouvait consommer tout, les laitages, nos produits de jardin, etc. Les salades, les champignons, rien. Les Alsaciens, les paysans sont venus chez nous pour vendre leurs produits, parce que chez nous c'était interdit. Et eux, ils ont dit, chez nous, il n'y a rien contaminé. Ute Mosner. C'est pour ça que moi, j'ai mon compteur Gégère, parce que je ne fais pas du tout confiance dans les autorités de notre pays pour l'affaire des centrales nucléaires. Alors je vais vous faire écouter le bip caractéristique. Donc je suis bien content d'avoir mon petit compteur que je trimballe toute la journée, comme mes pastilles d'iode. Ça, c'est l'arsenal d'un bon riverain d'une centrale. Donc là, on entend. Là, on est à 8 millirèmes, donc rien de bien méchant. Hein. Je l'ai acheté avant Fukushima. Et À l'époque, c'était 2011, je revenais de Colmar avec mes filles, on était sur l'autoroute et comme tous les citoyens du monde, on a assisté en direct de la catastrophe de Fukushima. Et je me souviens qu'à ce moment-là, j'ai été très bouleversé, très ému, et je voyais mes filles dans le rétroviseur arrière et je me disais, mais où je conduis mes enfants ? Et vous voyez, ça a été la réaction. Et à ce moment-là, j'ai dit, en tant qu'habitant à côté d'une centrale, je dois intervenir, je dois faire quelque chose par rapport notamment à mes enfants. Et là, ça marque. Je vous ai vu, je suis ému parce qu'effectivement, c'était comme ça dans cette voiture. On est spectateur du monde. Vous avez vu, ça continue à fumer là-bas d'ailleurs. Maintenant, c'est de la fumée grise. Alors ça, c'est peut-être autre chose. La condition nucléaire, Jean-Jacques Delfour. Je suis un citoyen philosophe. Non, un expert en physique nucléaire. Je suis un homme du commun. L'homme quotidien, banal, à peu près semblable à tous les autres. Et qui, précisément jusqu'à Fukushima, croyait à la fable de l'infaillibilité du nucléaire. Je croyais jusque-là que les ingénieurs du nucléaire maîtrisaient cette technologie. La déception fut à la mesure de la confiance aveugle qui était la mienne. Plus qu'une déception, un traumatisme, un effondrement. Guinocus, là on se trouve à Fessenheim, et vous habitez juste de l'autre côté de la frontière. J'habite du côté de Mülheim, je suis à peu près à vol d'oiseau, à peu près à 6-7 km. Donc de l'autre côté de la frontière, on la voit de très loin même. Comme on a les hauteurs de forêt noire, dès qu'on monte aussi en haut on la voit, mais même à ras du sol elle est très, très visible. Alors vous en tant que riverain, comment vous vivez ce voisinage avec la centrale ? On la vit assez mal, même très mal, depuis Fukushima. Et quand on assiste au discours qui se voudrait rassurant des exploitants et qui, en fin de compte, ne nous rassure pas du tout, au contraire, nous fait encore plus peur. On essaye de minimiser les choses. Et d'ailleurs, il n'y a pas si longtemps, on a bien vu que EDF a été accusé et passé au tribunal et a été mis à l'amende à cause d'accidents qui ont été minimisés. C'est un défaut d'étanchéité qui est à l'origine de l'arrêt complet de cette centrale de Fessenheim. Les deux réacteurs sont donc à l'arrêt complet ce soir. EDF a lancé un diagnostic sur cet incident, mais pas d'inquiétude, il s'est produit hors zone nucléaire et ne présente donc aucun risque ni pour la population, ni pour l'environnement. L'activité de la centrale devrait d'ailleurs pouvoir reprendre d'ici quelques jours. EDF minimise toujours les conséquences. Lucien Génis. Et ça, on l'a remarqué plusieurs fois. Ils ont d'ailleurs eu un procès et ils ont été condamnés. À Fessenheim, je crois qu'il n'y a pas trop d'erreurs humaines, mais c'est beaucoup lié au vieillissement du matériel. Et à chaque fois qu'on a des infos, et y compris de gens qui travaillent à la centrale de Fessenheim et qui ne sont pas d'accord avec ce qui se passe, je vous cite juste un exemple. Il y a eu un plan d'intervention pour montrer comment ça se passe en cas de pépin. Les gens seraient évacués, etc., etc. Alors j'ai demandé à un gars qui travaille à la centrale de Fessenheim, mais toi, qu'est-ce que tu ferais le jour où il se passe quelque chose ? Ah bah, c'est au doigt mouillé. J'ai dit, comment ça, au doigt mouillé ? Bah écoute, tu mouilles ton doigt, tu sors, tu le mets en l'air, tu regardes d'où vient le vent, et c'est dans cette direction qu'il faut que tu te sauves. Have no fear for atomic energy, because none of them can stop the time. Moi, j'habite à côté de Fribourg, en Brisgau. C'est à peu près une trentaine de kilomètres vol d'oiseau d'ici, toujours dans la zone d'évacuation, côté allemand. Ute Mosner, à quel moment vous avez pris conscience de ce danger ? Qu'est-ce qui a commencé à vous inquiéter au départ ? C'était déjà à l'école, dans les années 70. J'avais un prof de physique, et lui, il nous a dit, mais écoutez, on a le nucléaire dans les armes, mais le nucléaire civil, moi, je ne suis pas d'accord. Je trouve que c'est trop dangereux. On a eu maintenant un exemple, en Allemagne, il y a eu un souci avec un avion d'Inde. Et là, ils ont évacué les centrales, oui. Parce qu'ils ont eu peur qu'il y ait un attentat quelque part. Ils ont évacué dans le nord de l'Allemagne les centrales qui nous restent encore. Mais ils n'ont pas évacué la population autour. Donc ça veut dire les salariés de Fessenheim sont les premiers, peut-être, et les responsables politiques qui vont partir. Et ce qui se passe avec nous, parfois il y avait des accidents. Nous, on n'était pas au courant, on ne nous a rien dit. Maintenant, on est un peu plus vigilants, hein. On reçoit mieux. Et cet avion indien, c'était quand, en quelle année? Ah mais c'était le mois dernier. Ah oui. Ah bon? Il n'y avait rien dans les médias. Alors chez nous, il y avait très peu, parce qu'il s'est toujours caché. Hein. Mais ils ont même parlé de 17 centrales. Donc je ne savais même pas en Allemagne qu'il nous reste encore 17 centrales. Ah oui, on n'est pas sorti tout à fait. Hein. Et là, ils ont évacué les centrales. Et la population, on ne leur a rien dit. Hein. Donc c'était là en 2017, finalement, on est toujours au bord d'une catastrophe. C'est ça l'impression que ça donne. Oui, c'est ça. Ça peut toujours arriver. Et vous, Lucien, puisque vous avez rencontré des gens qui travaillent à l'intérieur de la centrale, vous les sentez inquiets eux-mêmes ? Mais sinon, ils ne sont pas inquiets plus que ça, quoique il y en a quand même quelques-uns qui sont morts dans des circonstances, on ne sait pas trop. Il y a eu des décès, quelques-uns, hein. Il n'y en a pas eu qu'un. Et d'ailleurs, on sait maintenant qu'il y a des responsables, des cadres, qui ont demandé leur mutation, qui sont déjà partis. Ah donc là, vous avez la grosse digue, vous avez la digue du Rhin qui culmine à peu près à un peu plus de 10 mètres. Donc si maintenant il y avait un séisme, il y aurait donc une rupture de la digue et une énorme masse d'eau donc qui va de Fessenheim jusqu'à Bâle, parce que c'est là qu'il y a la jonction entre le Rhin et le canal du Rhône-Rhin, donc qui viendrait faire sa vidange ici et en bas. En aval, vous avez la centrale. Donc il y en a qui ont rigolé quand on parlait de, pas de tsunami, mais au moins de mini-tsunami. Donc vous auriez une vague d'eau très importante qui viendrait submerger la centrale qui est en aval. Et nous, c'est vraiment un énorme problème. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on va gravir cette digue. Ça nous fait un petit peu de marche. Alors après, la vue est magnifique. Hein. Vous verrez, on a une vue sur nos amis allemands. Hein. Une vue sur la Schwarzwald. Donc là, on monte doucement et... Le panorama à mince, aujourd'hui c'est un peu nuageux, donc on ne voit pas la forêt noire complètement. Là on a le canal. Vous imaginez la masse d'eau là? Imaginez si cette digue là, elle se brise. Vous auriez une vidange de toute cette masse d'eau, mais c'est impressionnant. Bien, monsieur. Ikimasu. Aïe. ありがと う。本当にありがとう。ありがとうな。 福島第一原発の88時間が今に突きつけています。 Moi, je connais beaucoup de gens qui sont contre la centrale ou contre le nucléaire, mais pas forcément des militants. Ce sont des gens de la vie de tous les jours qui se font du souci pour leur terre. Ils sont paysans, ils ont des vignes, ils ont des choses comme ça et qui posent toujours la question, que se passerait-il en cas de problème? Et d'ailleurs, c'est aussi un autre problème, l'histoire d'évacuation. Il n'y a aucun plan qui tient debout, qui a été mis en place. Il faudrait évacuer 700 000 ou je ne sais plus combien de personnes dans cette région. C'est une population assez dense. Où les mettre d'ailleurs? Et comment? Donc il n'y a rien. Pour l'instant, c'est la politique de l'autruche, pourvu que ça continue. Emancipate yourself from mental slavery. None but ourselves can free our mind. Have no fear for atomic energy. À l'occasion d'une nouvelle séquence de distribution de pastilles d'iode, il y avait donc à Fessenheim une réunion. Étaient présents les maires des environs, sous-préfets, et puis les habitants, nous donc. J'ai donc pris le micro, j'ai interpellé le sous-préfet, et je lui ai dit, voilà, je pense savoir que la France dispose d'une cagnotte de 700 millions d'euros pour le cas d'un accident majeur. Seulement voilà, toutes les études qui ont été faites à ce jour au niveau européen démontrent que dans une zone densément peuplée comme la nôtre, c'est de l'ordre de 6 à 900 milliards qu'il faudrait pour traiter les malades, rembourser l'immobilier, rembourser les jobs perdus, et ainsi de suite. Dans la foulée, je lui dis alors, bon, moi par exemple, j'ai une maison, elle vaut 300 000 euros, c'est donc facteur 1000, donc vous rembourseriez 300 euros pour ma maison. Sur quoi, monsieur le sous-préfet me répond, devant assistance, « Oui, monsieur, vous avez raison. Oui, monsieur, vous avez raison. Mais c'est aussi à vous de choisir l'endroit où vous élisez votre domicile. Imaginez un peu. » Sur quoi, moi, je lui réponds, « Écoutez, moi, je vis sur la terre de mes ancêtres. Et eux, ils étaient là, bien avant vos projets morbides et irresponsables. Et croyez-moi, ce débat, c'est très vite clos. Ça m'est arrivé le 26 janvier 2016 à Fessenheim. Et depuis là, je suis... outré, scandalisé, je trouve pas les mots. Fukushima et Tchernobyl l'ont démontré. L'accident majeur est possible en France comme sur n'importe quel réacteur au monde. Et donc pour nous, les réacteurs étant arrivés en fin de vie, comme celui de Golfech, pour nous, ces réacteurs doivent être mis à l'arrêt. Il y a eu le problème à la centrale de Golfech où il y a eu une fuite radioactive d'iode. Un lâcher de 2 minutes, c'est peut-être pas énorme, mais bon, il valait mieux pas être à cet endroit-là, à ce moment-là. EDF a mis 48 heures pour prévenir la population. Normalement, il faut le prendre 6 heures avant le relâcher pour que la thyroïde absorbe l'iode. Est-ce que vous, dans votre vie quotidienne, Brigitte, vous avez pris des habitudes par rapport à ça ou pas vraiment ? Moi, non, mais je sais qu'il y a des amis, ils ont tout préparé. Ils ont le sac qui est préparé avec tous les contrats, tous les carnets, les numéros des comptes en banque et tout. C'est une valise qui est prête pour partir. Moi, je ne l'ai pas fait. J'ai dit que j'allais le faire, mais je ne l'ai pas encore fait. Mais seulement, vous allez aller où ? En France, à quelque part ? On est couvert de centrales nucléaires. Ce n'est pas la peine d'aller dans un autre coin parce que c'est à quoi que ce soit qui arrive. Bon, c'est sûr, on évitera celui-là, mais après, on va dans un autre coin, il y en a encore. C'est horrible. J'arrive pas à comprendre qu'on ait pu mettre ça en marche pour ces enfants et ces petits-enfants qui vont subir ça. Moi, j'arrive même pas à comprendre ça. C'est vraiment terrible. J'ai eu l'occasion de rencontrer la maire de Hartheim en face pour parler justement du problème de Fessenheim. La première chose qu'elle m'a dite, c'est l'explosion du nombre de cancers chez les enfants, donc à Hartheim en face. C'est augmentation de 30%. Une de ces associations m'a envoyé un message assez confidentiel qui émanait du rectorat de l'Académie de Strasbourg et qui demandait à l'ensemble des chefs d'établissement des écoles alsaciennes, les collèges et les lycées notamment, de prendre rang pour accueillir une société pro-nucléaire qui s'appelait la Société française d'énergie nucléaire. Et sur le moment, j'écris, j'ai besoin de me libérer parce que c'était trop horrible. Me dire que cette société savante intervient auprès d'enfants, j'ai trouvé ça horrible. Mais quelle est cette société pro-nucléaire qui intervient dans les établissements scolaires en Alsace ? So guns and sharp swords in the hands of young children. And it's hard, it's hard, it's hard, and it's hard, it's hard rain, they're gonna fall. Nul besoin d'être un savant en physique atomique pour avoir le droit moral et politique de penser le nucléaire. Tout être humain, cerné et concerné directement dans sa vie et sa liberté par une puissante technologie, est d'emblée fondé à en faire l'analyse. Prétexter sa complexité pour traiter chacun en enfant incapable de réfléchir n'est que l'alibi d'un pouvoir qui redoute les effets de résistance massive dès lors que les citoyens se mettraient à s'occuper de ce qui les regarde. La morale et le désir de liberté n'ont pas de diplôme universitaire. It's hard, and it's hard, it's hard rains are gonna fall. Donc Hans, vous êtes d'origine allemande, mais vous vivez en France. Oui, Ça fait 40 ans à l'ombre de la centrale, oui. Il faut savoir, à l'époque, c'était le tabou, on n'en parlait pas. C'est une énergie centralisée, c'est une énergie qui demande une société technocratique, secrète. On voit le profit à court terme. Et bizarrement, tous ces ingénieurs, tous ces scientifiques, ils manifestent une foi dans l'avenir, une foi quasiment religieuse. Ouais. Moi, je suis plutôt pour une société où la démocratie fonctionne. Nous, on ne pouvait pas du tout participer à la décision. À Fessenheim, on ne peut pas y aller. Il y a tout le temps la police, les gendarmes qui circulent. Dès qu'on s'arrête avec la voiture, la gendarmerie qui demande qui êtes-vous, passeport, etc., etc. Donc une société qui tend, pour moi, qui tend vers le totalitaire. Là, on est tout près des cheminées, là. Hein. Là, on se rapproche. Vous avez vu, pour l'instant, les forces de l'ordre ne sont toujours pas arrivées. Parce qu'en général, ils arrivent assez vite. Alors, bon, sans jouer à la parano, je sais que, bon, j'ai le droit d'être bien surveillé. Bon, ils font leur boulot. Donc, je pense que mes échanges téléphoniques ou mes SMS ou mes mails sont lus. Donc, ils se sont dit peut-être que, attention, il y a peut-être une radio publique. Faudrait peut-être pas trop venir les embêter sur la question de la liberté d'expression et la liberté de la presse. Donc pour l'instant, on est tranquille et j'espère qu'on va le rester. Hein. Alors là, on s'approche vraiment. Là, vous voyez donc ce que j'appelle les donjons nucléaires. Là, c'est circulaire. Et au-dessus, on voit ces espèces de toits qui sont vraiment pas beaux. Je ne sais pas s'il y a de l'herbe qui pousse au-dessus. Là, on voit vraiment toute l'installation devant nous avec les réacteurs, avec le grand cube là qui sert d'évaporateur. On voit les grillages qui sont autour. On voit une espèce de route qui conduit au dispositif jaune qui sert, je pense, à récupérer les combustibles usagés qu'ils doivent mettre après sur les wagons qui vont ensuite partir vers la Hague, en fait. Et donc, vous avez vu, ça continue à fumer là-bas, d'ailleurs. Ah tiens, ça s'est arrêté là ? Surprenant. On approche et comme par magie, la fumée noire vient de s'arrêter. Intéressant. Ah non, non. Ah non. C'est... Non, après, vous vous rendez compte, après on se fait des films. Et là-bas, on voit des agents de sécurité. Tant mieux, c'est rassurant. Donc à l'intérieur, il y a un chien et un homme qui est là, et je trouve que c'est très bien que les pouvoirs publics assurent notre sécurité sur des sites donc aussi dangereux qu'une centrale nucléaire. Et bonjour. Est-ce que vous avez des autorisations, des cartes de presse, quelque chose comme ça à nous présenter, s'il vous plaît? Radio France, la France Culture, Radio France. Ça marche, merci beaucoup. Vous avez pris attache avec l'équipe de communication de la centrale. Ah, tout à fait. Donc, si vous pouvez juste flouter ma tête sur la photo, si vous exploitez. Oui, mais les photos ne sont jamais publiées. Ouais, parce que normalement, on est en cagoule et tout. C'est une unité antiterroriste. Tout à fait, ouais, je le sais. Et vous faites des rondes régulièrement ou... Oui, on fait des rondes. On est tous sur le site autour et on est alerté en permanence par contact radio avec les gens de la centrale. D'accord. C'est plutôt rassurant, là, parce que... Pourquoi sur la fumée qui sort là? Parce qu'on se demandait ce que c'était cette fumée grise là. Ils font un barbecue ou un truc comme ça? Non. Non, mais c'est plutôt noir que gris. Hein. Ouais, bonne question, non, je sais pas. Vous savez pas. Une fois, il y a des groupes électrogènes, des gros groupes électrogènes qui fonctionnent au diesel pour alimenter en électricité certaines parties. Mais il n'y a pas assez d'électricité avec le réacteur là. Ouais. Tu fournis l'électricité, tu l'exportes tout de suite. Ah ouais, d'accord, donc on n'a plus. La centrale ne consomme pas l'énergie qu'elle produit. Ouais. C'est tout un bin. Après, elle est alimentée par la centrale hydroélectrique là-bas, déjà. Ouais. Elle a déjà une première alimentation. Après, elle est branchée sur le réseau, donc ça revient et tout. C'est protection, hein. Ouais. Ton spécialisé de protection. SPG. Il y en a 19 normalement en France qui sont attachés par centrale et tout. La facture, elle est adressée à EDF. C'est EDF qui doit payer normalement vos salaires, vos. Voilà. Après, il y a des conventions gendarmerie EDF. Ouais, c'est des conventions. Même nous, on n'est pas au courant de tout. On n'est pas forcément au courant de tout. Non. Ouais. La loi oblige justement à confier à la gendarmerie la sûreté des installations. Après, il y a eu des conventions qui ont été passées. Bon, après, on n'a pas tous les tenants, les aboutissants, on ne connaît pas les montants, la vérité. Et vous avez des formations particulières par rapport aux gendarmes Oui, on a des stages d'intervention spécialisés. On est formés par le GIGN. Voilà. Ah oui, carrément. D'accord. Ouais, c'est donc de la formation lourde. C'est eux qui nous supervisent, qui testent le matériel. On a des dosimètres actifs, passifs. Si ça sonne, c'est que c'est trop élevé, il faut s'éloigner. Et après, le compteur passif, on stocke toutes les données. Et après, c'est exploité et puis ils voient à peu près les doses qu'on peut prendre sur un mois, sur un an. Après, ils font leur tableau grâce à ça. Ouais, bah écoutez, c'est parfait. Hein Ben merci pour cet échange courtois. Ben oui. Et policé. Aucun problème. Et pour vous. Merci, ben ouais. Pour avoir de la chance. Hein. Il faut aussi. Voilà. Comme des riverains inquiets, il en faut aussi. Ben oui. Ben oui. Il faut de tout. Bien sûr. Allez, au revoir. Allez, bonne fin de journée. Au revoir, merci. Voilà. Fermera, fermera pas, c'est toute la question qui se pose aujourd'hui sur l'avenir de la centrale nucléaire de Fessenheim, la plus ancienne de France. L'État, pourtant actionnaire à 85% d'EDF, n'a pas la main sur ce dossier. Pour lancer la dernière étape conduisant à la fermeture, il doit obtenir le feu vert des administrateurs de l'entreprise. Et dans les faits, tout repose sur le vote des 5 administrateurs indépendants. Hier soir, sur CNews, Ségolène Royal leur a mis la pression maximum. C'est dommage que François Hollande, lors de ses nombreuses entrevues avec Angela Merkel, ne l'ait pas demandé comment elle a fait et pourquoi elle a décidé que l'Allemagne sorte du nucléaire. Parce que quand on regarde de près, l'État français est majoritaire à 85% de EDF et ils n'arrivent pas à respecter ne serait-ce qu'une promesse pour fermer une seule centrale de 2 réacteurs. Angela Merkel, ce gouvernement a décidé de sortir du nucléaire et c'est la pierre angulaire de leur transition énergétique. En 2022, c'est fini, Schluss, toutes sont fermées. Il faut savoir qu'en Allemagne, quand elle a décidé de faire ça, ils ont commencé à fermer 8 réacteurs. Et je pense qu'Angela Merkel sait de quoi elle parle puisqu'elle est physicienne. Et donc, ces 8 centrales nucléaires, l'État allemand ne possède aucune action des 4 groupes et elle arrivait à faire admettre à ces groupes privés de fermer des réacteurs. Ils en ont fermé un 9e l'an dernier et le 10e sera fermé cette année. Les 6 ou 7 autres qui restent sont fermés d'ici 2022. C'est quand même inouï qu'on se tourne le dos sur le plan énergétique. Nous, on a fait une transition énergétique, mais on ne sait pas trop la transition vers où ça va. Alors qu'en Allemagne, c'est la sortie nucléaire. C'est parfaitement clair. L'existence des bombes atomiques ou des centrales nucléaires. La contamination massive de la biosphère pour des dizaines de millénaires. C'est-à-dire l'existence de machines et les conséquences des fuites de ces machines. Les politiques, les exploitants industriels ou les ingénieurs n'ont aucunement le droit d'être les seuls à donner une réponse, comme c'est le cas jusqu'à aujourd'hui. Il appartient à chaque être humain de reprendre le contrôle de sa vie individuelle et collective en cessant d'abandonner la réflexion et la décision aux maîtres politiques, capitalistes et techniques. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our mind. Oh, have no fear for atomic energy, 'cause none of them are gonna stop at the time. Travailler dans le nucléaire, ça veut dire être soumis au rayonnement ionisant, avoir des risques de contamination interne, externe. J'ai fait ce qu'on appelle des métiers anciennement de la servitude. Moi, j'étais au premier niveau de sous-traitance. On a compté jusqu'à parfois 7 à 8 niveaux de sous-traitance. Philippe Billard, On avait une tranche où on a eu des problèmes de rupture de gaine. Donc il y a eu la première barrière qui s'est fracturée, la barrière des crayons. On s'est retrouvé dedans avec tout l'uranium qu'il y a dans les crayons qui est parti dans le circuit. Et puis là, on a eu des petits morceaux de combustible qui traînaient un peu partout. Et puis ça, c'est très très radioactif. Et il y en avait qui étaient collés sur le matériel. Et on était obligé de descendre avec une meule pour décoller, quoi. Moi, quand j'ai eu ma dose de 5 millisieverts, j'ai pas eu peur. Je savais que j'en avais pris une forte, puisque le dosimètre s'était éteint à cause de la radioactivité. Donc j'avais plus de lecture. La chance que j'ai eue, c'est que je m'en suis rendu compte assez rapidement et j'ai pu évacuer. Mais c'est pas sur le moment qu'on a peur, c'est quand on est posé. Moi qui suis sorti du nucléaire, c'est maintenant que j'en ai peur. On a déjà plusieurs salariés qui sont décédés et beaucoup de salariés aujourd'hui qui sont malades. Et laisser dans l'oubli, c'est ça le pire. En fait, la dose qui nous est donnée de 20 millisieverts à l'année, elle est jamais prise sur une année, hein, elle est prise sur des temps très courts, sachant qu'en plus, on n'a que deux dosimètres qui sont portés à la poitrine. Toutes les doses qui passent dans le bas du corps, au bout des mains, au bout des doigts, sont pas comptées. Donc parfois, entre le bout de la main et le dosimètre, vous avez un mètre, hein, et la dose peut être divisée par 10. Donc le dosimètre, il va enregistrer 10 fois moins ce que la main aura pris en dose. 3, 2, 1, non contaminé. La planche nucléaire a commencé au début des années 80. Nous intervenions sur les sites de retraitement ainsi que les centres de recherche. Phoenix fut la première société à intervenir pour le compte de centrales nucléaires en activité. L'eau est une protection contre les radiations. C'est donc pour limiter cette exposition que nous avons développé la plongée nucléaire. Les travailleurs sont exposés non seulement à la radioactivité, mais à l'amiante, souvent. Et pour contourner les organisations syndicales, qui certainement pour les agents EDF n'accepteraient pas ces conditions de travail, ça passe par ces cascades de sous-traitance qui font qu'on arrive à des entreprises où il est très difficile aux salariés d'avoir des institutions représentatives au niveau syndical, au niveau du comité d'hygiène et de sécurité, conditions de travail. Il y a un réel bénéfice économique parce que nos interventions permettent de réduire le temps d'arrêt des réacteurs. Le travail intérimaire, il est là comme variable d'ajustement sur ce que nous appelons la gestion de l'emploi par la dose. Moi, les témoignages que j'ai eus, c'est des travailleurs auxquels le patron de l'entreprise va faire du chantage en lui disant « Tu laisses le dosimètre, mais il faut absolument que ce travail-là soit fait. » Effectivement, c'est dangereux, mais il faut bien le faire. Et quand on accepte ce genre de contrat, des missions, on en trouve partout. Hein. Vous franchissez le seuil d'une agence et c'est signé. Nous pouvons mobiliser si nécessaire plusieurs équipes simultanées. Les agents d'intérimaires poussent autour des centrales comme des champignons. Après des mois de galère, on se laisse prendre par la facilité. Vous entrez, c'est signé. De mon point de vue, cette faute inexcusable, c'est la faute d'EDF qui est le générateur du risque. Malheureusement, fréquemment, l'industrie nucléaire, le sous-traitant lui-même et les donneurs d'ordre, EDF ou CEA ou Areva, vont essayer d'entrer en négociation avec la victime ou sa famille avec deux types de stratégies, soit proposer de l'argent, soit proposer de donner des emplois aux enfants dans des régions où le chômage est endémique, notamment pour les jeunes. Il y a des familles qui acceptent. Vous êtes aux prises avec la maladie grave, on vous propose une grosse somme d'argent ou de vous retirer l'épine du pied que le gamin il est au chômage et que s'il est pris immédiatement, au moins ça fera un salaire qui rentrera dans la famille. C'est aussi pernicieux que ça. C'est pas brutal. On vous met une somme d'argent sur la table et vous vous taisez. C'est beaucoup plus subtil. Ne vous engagez pas dans cette procédure, c'est beaucoup trop long. La première chose que disent les malades, c'est évidemment de ma faute, j'ai fumé. C'est-à-dire qu'il y a une telle idéologie dominante sur le fait que le cancer, c'est massivement les comportements individuels, que les travailleurs ont un peu de peine à imaginer que c'est le travail. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. sécurité la priorité absolue. Il y a un jeu dangereux aujourd'hui, parce qu'on sait très bien que si on n'a pas les moyens financiers de payer le matériel, de payer correctement les gens, on rend les sites de plus en plus dangereux. On est en pleine période de procès EDF. Aujourd'hui, je pense que les usines qui nous entourent deviennent des vraies bombes à retardement. Et j'espère fortement qu'on n'aura pas une qui explosera dans les mois à venir, parce que quand on voit les conditions de travail qu'on a aujourd'hui, moi honnêtement, je crains le pire. Si un jour vous aviez l'occasion de pouvoir voir comment le travail est fait à l'intérieur des grillages, je pense qu'il y a plein de monde qui demanderait à ce que tout ça s'arrête et qu'on revienne à un travail bien fait et rémunéré à sa juste valeur. Chaque opération est vérifiée et achevée. En cas d'urgence, nous sommes joignables 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. La sécurité est la priorité absolue. Les sous-traitants ont une obligation de résultat sans pouvoir discuter des moyens et du temps mis à leur disposition pour exécuter ce marché. Et comme il y a une mise en concurrence des différentes entreprises sous-traitantes, ces entreprises sont amenées à accepter des marchés à perte. Donc, comme il faut quand même qu'ils fassent leur chiffre d'affaires, ils vont tricher sur, par exemple, un marché de soudure. Au lieu de faire systématiquement toutes les soudures, ils vont en vérifier une sur deux, une sur trois, une sur quatre. C'est très très grave. C'est-à-dire que, au fil des années, et les travailleurs le disent, il y a une altération de la qualité du travail qui leur fait peur à eux-mêmes. Et je dirais que ceux qui nous protègent, ce sont ces travailleurs qui ont conscience de la gravité. Mais en même temps, jusqu'à quand ils peuvent imposer la qualité du travail contre les exigences du marché d'EDF ou d'Areva ou du CEA? Vous entrez, vous avez quelques minutes pour faire ce que vous avez à faire, c'est serré, vous faites, vous sortez, un autre prend la relève, etc. Techniquement, ça n'est pas difficile, mais au moindre souci, à la moindre complication, vous prenez un coup de chaud, parce que le compteur là sur votre poitrine s'emballe, le dosimètre, et en dessous ça s'emballe aussi, et la respiration sous le home se cale sur un autre rythme. Point chaud. Ah ben ça fait froid dans le dos parce que, je dirais, l'exemple emblématique c'est AZF. La catastrophe d'AZF en 2001, c'est le résultat de cette altération des formes d'organisation du travail du fait de la sous-traitance. Annie Thibault-Mouni, si je vous comprends bien, si AZF n'avait pas été une usine chimique mais un réacteur nucléaire, Toulouse serait rayée de la carte. Absolument. Là, on est vraiment quasiment à l'ombre des centrales. Hein. C'est le village de Lépieux, très joli petit village, qui est très très proche de Flamanville, donc le PR et puis les deux anciens réacteurs. Et de l'autre côté, on a le site de La Hague. Et donc là, on va aller voir Didier Angers et Paulette, donc sa femme. Donc ce sont des anti-nucléaires depuis 40 ans quand même. Qu'est-ce qu'on peut prouver ? Moi, je me souviens de m'être battu avec des familles de travailleurs du nucléaire pour essayer de leur faire reconnaître leur cancer, avec toutes les difficultés qu'on sait. Et puis, au dernier moment, tout d'un coup, il y a un arrangement. Voilà, des choses comme ça, quoi. Voilà. Mais on ne peut rien prouver de tout ça, quoi. Mais tout le système, l'argent a participé à l'acceptabilité du nucléaire dès le début. Déjà en achetant les terres beaucoup plus chères que ça ne vaut sur les landages. Après, en arrosant toutes les communes, en embauchant les gens dans l'usine, etc. On achète l'acceptabilité. Nous, ce qu'on veut, c'est arrêter le nucléaire pour qu'il n'y ait plus de risque. Parce qu'effectivement, avec le nucléaire, même en fonctionnement normal, il y a des problèmes. Alors ne parlons pas, évidemment, en cas d'accident. L'évacidiode, par exemple, c'est totalement dérisoire. C'est de la communication. C'est pas fait du tout pour que les gens soient sauvés. C'est uniquement pour, encore une fois, l'acceptabilité. Vous inquiétez pas, s'il y a un accident, vous aurez les pastilles. C'est pour ça que les 5 ou 6 leucémies en excédent dans la Hague, qu'est-ce que ça coûte par rapport à tout l'intérêt qu'il y a au nucléaire. C'est le prix à payer. C'est pas grave. En fait, ils ont budgétisé le silence, quoi. L'omerta. Pourquoi La Hague ? Beaucoup de vent. Donc, les cheminées pouvaient permettre la dispersion par les grands vents. Et il y a un fort courant qui s'appelle le Rat Blanchard. S'il y avait donc des problèmes de pollution en mer, eh bien, c'était dilué en mer de la Manche. D'ailleurs, on retrouve des éléments radioactifs d'origine de La Hague jusque sur les côtes de l'Allemagne et du Danemark. Infinitésimal, mais quand même. Donc c'est pourquoi ça a été choisi. Flamanville, à vol d'oiseau, c'est à peu près une vingtaine de kilomètres entre Flamanville et La Hague. Il y a une vingtaine de kilomètres avec Cherbourg. Cherbourg, c'est une sorte de triangle. Et puis ici, il y avait un accident grave. Le Cotentin, c'est quand même une sorte de bout du monde. Et puis, ce qui a inquiété à l'origine les gens de La Hague, même, c'est qu'ils voyaient sur leur mairie des sirènes. Et les sirènes pour les pompiers, ça n'est qu'au chef-lieu de canton. Pourquoi il y a des sirènes sur toutes les mairies ? Ça a été la première inquiétude. C'est comme ça s'est débloqué un peu la prise de conscience dans la population. Alors c'est assez drôle, j'étais sur Cherbourg ce jour-là et dans un café, quelqu'un me dit « Tu sais que tu vas pas pouvoir rentrer chez toi, il y a eu un incendie à la centrale. » L'incident s'est produit vers 9h45 ce matin dans une zone bien délimitée de la centrale de Flamanville. Un incendie s'est déclenché à la suite de la surchauffe d'un ventilateur. Et la première réaction, c'est qu'il n'y a pas de problème. Nous avons eu un départ de feu dans l'unité de production numéro 1, donc située dans la partie non nucléaire de l'installation, donc la salle des machines. Il s'agit en aucune manière d'une explosion. Et ce qui me paraît évidemment essentiel, c'est que nous n'avons aucune victime, aucun blessé et aucun impact sur l'environnement ni sur la sûreté nucléaire. Moi, j'ai été professeur ici sur les Pieux pendant 29 ans. Donc il y a beaucoup de mes anciens élèves qui travaillent. Bon, on sait pourquoi ils y travaillent. Ils y travaillent parce que ce soit EDF ou Areva, c'est quand même des salaires, disons, assez confortables. Mais on comprend pourquoi ils en arrivent là, bien sûr. Ceux qui vont souvent à la plage, qui... Oh, faut surtout pas dire ça, surtout pas, ça gêne le tourisme. Parce qu'on veut développer le nucléaire et développer le tourisme, c'est pas toujours très compatible. Mais il y a effectivement des rejets. Les rejets liquides se font en passant sous la route de La Hague et ressort à 2 km en mer en face de la baie des Calglins. On le dit pas, nous on le sait. Ces éléments radioactifs se dispersent et selon les courants, vont ensuite vers le nord, etc. Alors pour le réchauffement des eaux, c'est Flamanville. Et donc, on pompe de l'eau de la mer froide et on rejette de l'eau qui est réchauffée de 16 degrés. Évidemment, on rejette plus loin à 700 mètres en mer. Il y a des éléments radioactifs, il y a des éléments chimiques. Quand l'enquête officielle a été faite, qu'ils ont reconnu effectivement qu'il y avait plus de leucémie infantile. Ils n'ont pas nié le fait qu'il y ait un agrégat de leucémie infantile. Mais étant donné la faible population, c'était des chiffres qui se comptaient en unités. Donc ils ont dit que ce n'était pas significatif. Il y a eu notamment deux cas d'enfants il n'y a pas très longtemps, à l'école de Flamanville, hein, primaire, un avec une leucémie et l'autre avec un cancer de la gorge. Assez rare hein, chez un enfant de cet âge-là. Donc les mères sont venues nous voir, nous ont exposé au moins leurs doutes. Et il y avait à ce moment-là un colloque intercli, c'est-à-dire intercommission locale d'information du Nord-Cotentin. Et donc, elles m'ont demandé de bien vouloir relayer leurs interrogations. Donc ils ont affirmé que du point de vue statistique, il n'y avait rien de probant. Bon, ben, qu'est-ce qu'on peut dire ? Donc moi j'avais pris la parole, j'ai exposé le cas, on m'a répondu ça. Et à ce moment-là, il y a un homme au premier rang qui a levé la main, qui a dit « Je rebondis sur ce qu'a dit la dame parce que je suis des Cœurs de Ville et j'ai un enfant aussi atteint de leucémie et je me pose les mêmes questions. » Tout le monde a compati dans la salle, on a dit « Mon pauvre monsieur, c'est très triste, enfin, etc. » Mais non, statistiquement, ça ne peut pas être le nucléaire. Point, terminé, et vous pouvez sortir, c'est terminé comme ça. Alors, c'est comme ça que ça se passe, et qu'est-ce qu'on peut prouver ? La discussion qui a suivi, je lui ai posé 3 ou 4 questions. La première question, pourquoi vous affirmez ça ? Elle me répond, parce que l'usine de Lag n'a jamais dépassé les normes de rejet autorisé. Elle dit, mais vous êtes sûr de la valeur des normes ? Jusqu'à maintenant, depuis le début du nucléaire, les normes ont toujours été revues à la baisse. Elle me répond, monsieur Angers, vous aurez peut-être raison dans 10 ans ou dans 20 ans, mais moi je suis une scientifique officielle et je suis obligé de me référer aux normes en vigueur. Dit deuxième chose, les multifactoriels. Dit, mais avez-vous fait aussi des études sur les rejets chimiques, sur le tributyl phosphate et sur les nitrates à l'usine de La Hague, sur le chlore à Flamanville? Non, nous allons sans doute les faire, etc. Mais à ce moment-là, vous ne savez rien sur les effets de synergie. Oh, monsieur Angers, quand même, utilisez les mots comme il faut. C'est additionnalité, c'est pas synergie. D'un air de dire, ferme ta gueule. T'es quoi? T'as pas mon niveau scientifique. C'est ça qu'on nous rejette. Or, les citoyens, les populations ont le droit de savoir un certain nombre de choses. Comment elle peut affirmer des choses quand elle a même pas fait les études? Voilà comment on fait. Et si on additionne, encore une fois, ce qui se passe sur tous les sites nucléaires, sur chaque site, c'est pas significatif, mais si on additionne le tout, ça le devient. Paulette, là, oui. Finalement, c'est un article pour un exercice nucléaire. Oui, oui, Flamanville, c'est 17 000 personnes concernées. C'est les exercices habituels donc, qu'on fait autour des centres nucléaires. Donc ça a lieu autour du centre de La Hague, la centrale de Flamanville, avec toutes les autorités, c'est-à-dire préfecture, l'arsenal de Cherbourg également. Alors ils vont faire un accident technique qui va être simulé avec une mise à l'abri de la population dans un rayon de 10 km et l'engagement des secours. Donc là, en fait, ça leur permet quand même de voir les failles, notamment les sirènes qui ne fonctionnent pas. On est censé avoir l'information par la radio locale, par France Bleu, mais la plupart des gens n'écoutent pas France Bleu. Il y a plein de choses comme ça. Moi, j'ai vraiment le sentiment que c'est pour faire croire qu'on prend en compte le problème de sécurité, mais en cas de réel accident, on imagine bien que tout ça ne fonctionnera pas. Ou mal. Emancipate yourself from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy. L'iode stable, on n'en trouvera pas quand il faudra. Parce qu'il le faut tout de suite quand on entend parler d'un accident. Les mesures à prendre doivent être immédiates. Si vous ne voulez pas que cet iode se stocke dans votre organisme ou dans votre glande thyroïde, il faut prendre de l'iode stable avant. Et l'iode stable, quand vous allez chez votre pharmacien et vous demandez « j'aimerais avoir des tablettes de 100 mg d'iode stable », et vous dites « qu'est-ce que vous cherchez ?»« Mais je n'ai pas le droit de vous vendre ça, ça n'existe pas, ce n'est pas un médicament ». En fait, il y avait un stock d'État, mais celui-là, c'est réservé à... On délivre que quand il y a le bon, vous savez? Non. En fait, je vais dans le coin de Fessenheim, on m'a conseillé d'avoir ça sur moi au cas où. Au cas d'accident, en fait. Il y a eu une période où les gens qui habitaient autour avaient allé dans les pharmacies qui étaient... Enfin, c'était des pharmacies qui étaient définies, hein. et vous aviez un bon et vous alliez chercher votre boîte d'iode. Mais après, nous, on ne délivre pas de pastilles d'iode comme ça, on n'en a pas. Il faut un bon de la mairie pour retirer la boîte. D'accord. Et de la teinture d'iode, vous avez ça? La teinture d'iode, non. Ça doit se trouver. Ah oui, ça doit peut-être à la pharmacie faire, mais comme c'est une préparation et que nous, on ne fait pas du tout de préparation, je n'en ai pas. Voilà. Merci. Je vous en prie, monsieur. Alors, les autres mesures, c'est de s'abriter de la pluie, parce que c'est la pluie qui contamine. Et ces vêtements pollués par la pluie deviennent un déchet radioactif qu'il faut accumuler quelque part et qu'il faudra faire aussi disparaître un jour. C'est compliqué de se battre contre le nucléaire, et le nucléaire est très mobile, inodore, invisible, il n'a pas de goût. Donc rien ne vous aide vous-même à vous comporter bien ou mal. Vous n'allez pas boire quelque chose sous prétexte que vous pensez que c'est radioactif. Si le liquide que vous avez dedans était fermé au moment de l'accident, ou si vos confitures étaient fermées, vous les gardez fermées. Elles sont comestibles longtemps. Mais tout ce qui était exposé à la pluie, il faut le considérer très bientôt comme un déchet. Une idée, ce serait de fuir. Vous savez, la frontière, elle est très très proche. Et Nesterenko a essayé de distribuer l'iode stable en Biélorussie, il n'a pas obtenu l'autorisation. Il n'y a que les ministres qui en ont pris. Et de l'autre côté, en Pologne, les Polonais ont mobilisé toutes les polices, tous les enseignants, tous les employés de l'État pour distribuer l'iode stable, qui peut être de la teinture d'iode sur un morceau de sucre ou dans un verre d'eau, à tous les enfants, aux femmes en âge de procréer. Et ils ont, en peu de jours, couvert tout le pays, c'est-à-dire, sauf erreur, 10 millions d'enfants et à peu près 1 million d'adultes. Mais il y a eu aussi aucun problème de santé lié à ce comprimé pris dans toute la population. On nous dit toujours, il ne faut pas distribuer l'iode stable, ça crée la panique. La Pologne n'a pas connu de panique, même pas un début, rien. Et ça, c'est une expérience très bonne pour nous. Mais où est votre iode stable? Ça sera toujours trop tard. Le côté faussement rassurant des autorités publiques était criminel dans le sens où ça empêchait les gens de prendre les dispositions. Personne n'a pris de précautions. Je pense à des amis qui étaient dans la région de Nice à l'époque. Personne ne les avait prévenus. Et quand on voit depuis 1986 l'explosion de cancer de la thyroïde, on sait d'où ça vient, sauf que les autorités résiste totalement à prendre acte de cette réalité-là. C'était « À l'ombre des centrales nucléaires, vivre et travailler à l'ombre d'un réacteur nucléaire » avec Paulette et Didier Angers, fondateurs du Crilan à Lépieux, à côté de Flamanville, Stanislas, Patrick et André, riverains du Cotentin, Gabriel Weisser, Ute Mosner, Lucien Génie, Didier Nocus, Hans, Béatrice, Denis et Brigitte, riverains de Fessenheim, Annie Thébault-Moni, auteur de « La science asservie » aux éditions La Découverte, Philippe Billard, ancien agent de servitude nucléaire, Michel Fernet, professeur émérite de médecine et ancien expert OMS. Jean-Marie Braume, physicien, directeur de recherche au CNRS. Texte lu par Nicolas Lambert. La centrale d'Elisabeth Filol, paru chez POL, et la condition nucléaire de Jean-Jacques Delfour aux éditions L'Échappée. Prise de son, Yann Frécy, Valérie Lavalard, Clémence Bonfils, Yves Lehorse. Mixage, Catherine Dérété. Réalisation Christine Diger, un documentaire de Lydia Benitzrach.